Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi. Première partie, second traité, Marie considérée dans son auteur et dans ses fins. Chapitre 1er, Marie, chef-d'œuvre du Tout-Puissant. Marie n'est pas seulement l'ouvrage de Dieu, comme toutes les autres créatures, c'est le chef-d'œuvre dans lequel le Tout-Puissant s'est plu à réunir toutes les perfections. Quelle magnificence n'y a-t-il pas déployée? L'Écriture nous apprend qu'il l'a créée dans l'Esprit Saint, Ecclésiastique 1, 9, c'est-à-dire dans son amour infini. Marie est donc proprement l'ouvrage du cœur de Dieu. En l'exécutant, il voulut nous montrer, s'il est permis de s'exprimer ainsi, un effort de son infinie sagesse, de sa toute-puissance et de son amour infini. C'est dans cette œuvre plus que dans aucune autre, si l'on excepte l'humanité sacrée de Jésus-Christ qui fut créée pour être unie hypostatiquement au Verbe, que le Très-Haut a fait éclater la force de son bras. On peut dire des autres ouvrages de Dieu, quelque extraordinaire, quelque surprenant qu'il soit, que c'est un jeu de ses doigts, Psaume 8, 4, Exode 8, 19, mais il n'en est pas ainsi quand il s'agit de la très sainte Vierge. Ici il a déployé la force de son bras, comme elle nous l'apprend elle-même, Luc 1, 51, en moi, ajouta-t-elle, il a manifesté sa grandeur et sa puissance, Luc 1, 49. Il est dit de la première femme qu'elle fut formée par les mains de Dieu, Genèse 2, 22. Ces termes dénotent, sans doute, un grand ouvrage, mais s'agit-il de Marie? Sa formation est exprimée dans les mêmes termes, et il est dit de plus que Dieu la forma pour lui-même, Proverbe 9, 1. C'est Dieu qui agit de part et d'autre, mais dans le premier cas Dieu ne fait que préparer une compagne pour l'homme, dans le second, c'est la sagesse même de Dieu qui se prépare à elle-même une habitation. Et quand Dieu fit-il ce magnifique ouvrage? Si nous ne considérons que l'ordre des temps, ce fut après avoir tiré du néant une multitude d'autres créatures, mais si nous avons égard à l'ordre de dignité, ce fut avant toute chose. J'ai été créé dès le commencement et avant tous les siècles, Ecclésiastique 24, 14. Note. Ce n'est pas là le sens littéral de ce texte, mais comme l'Église l'applique à Marie, ainsi que plusieurs autres passages semblables, j'ai cru pouvoir en user de même. Fin de la note. C'est le miracle de la sagesse, de la puissance et de l'amour divin, c'est la merveille de la création. Je l'ai considéré, Seigneur, et je suis demeuré stupéfait. Mais encore, qu'en ai-je vu? Et je contemplais l'art admirable que Dieu y a déployé, ai-je au moins fixé les yeux sur les perfections de l'ouvrage? Puissais-je le faire un jour? Oh qu'alors ces charmes raviront mon cœur, si déjà elle paraît si belle aux yeux de son divin auteur, qu'il ne peut se lasser de l'admirer, que sera-ce de moi? Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, lui dit-il. Vos chastes attraits ont gagné mon cœur, que ne devrais-je donc pas dire, moi, en la voyant, la grandeur et la noblesse de Marie sont-elles, dit saint Pierre Chrysologue, que dans aucun autre ouvrage on ne peut mieux saisir la grandeur de Dieu même. Ô mon Dieu, quelle satisfaction répand dans mon âme la considération seule de cette œuvre sublime de vos mains. Psaume 91, 50. Oui, je m'exercerai sans cesse à méditer, le mieux que je pourrai, les grandes choses que vous avez opérées dans Marie. Cette méditation ne déplaira sans doute pas à votre bonté, Seigneur, Je vois qu'ici-bas un habile artiste n'éprouve jamais de joie plus grande que lorsqu'il voit une foule d'admirateurs contempler son ouvrage et s'extasier devant les beautés qu'il renferme, parce que c'est là que se montrent son talent et sa supériorité. Quel génie s'écrit-on en présence des tableaux d'un Raphaël, des statues d'un Michel-Ange? Quel génie, c'est tout ce qu'on peut dire, saisi que l'on est en considérant ces chefs-d'œuvre de l'art. Je veux donc contempler cette œuvre sublime dont Dieu lui-même fut l'architecte et l'exécuteur. Hébreux 11, 10. Fortifiez ma vue, Seigneur, affermissez mes yeux et mon esprit, afin que je puisse admirer la céleste Jérusalem que vous avez formée. Marie, je le sais, vous avez toujours caché durant votre vie tout ce qui pouvait vous relever aux yeux des hommes et vous attirer leur admiration. C'est bien ainsi que chacun doit en agir aussi longtemps qu'il est sur la terre, c'est ce que Dieu exige de toutes les créatures. Un savant ouvrier n'aime pas qu'on s'arrête à examiner son ouvrage, aussi longtemps qu'il n'y a pas mis la dernière main, mais l'ouvrage achevé, il l'expose lui-même au regard, afin que chacun puisse le contempler à son aise. Le chef-d'œuvre que le Créateur a entrepris en vous formant, ô Marie, est accompli, il a atteint sa perfection, il ne convient plus d'user de tant de réserve, il doit être livré à l'admiration de tout le monde. Je prends donc la hardiesse de m'arrêter devant vous pour contempler vos grandeurs et m'en former l'idée la moins imparfaite qu'il me soit donné d'en avoir ici-bas. Celui qui entreprend un ouvrage quelconque, s'en forme d'abord un plan, une idée, et il a sans cesse cette idée présente à l'esprit pour faire en sorte que l'exécution y corresponde. Nul doute que Dieu n'ait eu l'idée de ses ouvrages avant de les créer, à moins que nous ne voulions dire qu'il a travaillé à l'aveugle, sans savoir ce qu'il faisait, ce qui serait un horrible blasphème. Quelle est donc cette idée que Dieu a prise pour règle dans tout ce qu'il a créé? Serait-ce quelque chose de distinct de lui-même? Aurait-il été chercher hors de lui-même le modèle de ses ouvrages? Le penser seulement, dit saint Augustin, ce serait une impiété. C'est en lui-même, c'est dans son Verbe, c'est dans sa sagesse incréée que Dieu trouve l'idée de tout ce qu'il produit. La sagesse éternelle, le Verbe divin, voilà donc la cause exemplaire de tout ce que Dieu a fait. Mais si telle est la cause exemplaire, l'idée modèle, la règle de toute chose, à combien plus forte raison n'en est-il pas ainsi à l'égard de Marie? De Marie, dis-je, à laquelle l'Église applique ce que nous lisons dans les livres sacrés touchant la sagesse incréée elle-même, sans autre raison, je crois, que parce que Marie est cette pure créature, qui, plus que toute autre, ressemble au type suprême, et participe à ses qualités et à ses perfections. Afin donc d'apprécier les mérites que le Très-Haut a rassemblés dans cette sublime créature, il faudrait comprendre l'idée d'après laquelle elle a été formée. Mais qui en est capable? Dieu seul, et personne hormis Dieu. Néanmoins, afin de nous élever, autant que possible, à la connaissance de Marie, nous rapporterons ici plusieurs choses écrites dans les livres sacrés touchant la sagesse sacrée, chacun pouvant les adapter facilement, dans la proportion voulue, à l'auguste fille du Père éternel. Entre une multitude de traits sous lesquels les saintes écritures nous dépeignent la sagesse éternelle, nous n'en choisirons que quelques-uns des plus frappants et de ceux qui peuvent le mieux s'appliquer à la très sainte Vierge. Les proverbes s'expriment d'une manière bien propre à en exciter l'amour dans tous les cœurs. Heureux, y est-il dit, Proverbe 3, 13, celui qui a trouvé la sagesse. Son acquisition vaut mieux que celle de l'or, et ses fruits ne respirent que pureté. Elle est plus précieuse que toutes les richesses, et tout ce qui peut être l'objet de nos désirs ne mérite pas de lui être comparé. Ses voies sont belles, et ses sentiers sont pleins de paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui l'embrassent, et heureux celui qui se tient fortement uni à elle. La sagesse est resplendissante de lumière, et sa beauté ne se flétrit point. Ceux qui l'aiment la découvrent aisément. Elle prévient ceux qui la désirent, et se montre à eux la première. Celui qui veillera dès le matin pour la chercher, n'aura pas de peine à la rencontrer, parce qu'il la trouvera assise à sa porte. Occuper sa pensée de la sagesse, c'est la prudence consommée, ceux qui sont attentifs à l'aimer seront bientôt en repos. Elle tourne elle-même de tous côtés pour trouver ceux qui sont dignes d'elle, elle se montre à eux dans ses voies avec un aspect riant, elle va au-devant d'eux avec tout le soin de sa providence. Le désir de la sagesse conduit au royaume éternel. Aimez la sagesse, et vous régnerez à jamais. Sagesse 6, 13. Il y a en elle un esprit d'intelligence qui est sain, unique et multiplié, vif, éloquent, agile, sans tâche, clair, doux, ami du bien, pénétrant, bienfaisant, amateur des hommes, bon, stable, calme, qui est rempli de toute vertu, qui voit tout, qui est intelligible, pur et subtil. La sagesse atteint partout, à cause de sa pureté. Elle est une vapeur de la vertu de Dieu, et une émanation pure de la clarté du Tout-Puissant. Elle est incompatible avec la moindre impureté, parce qu'elle est l'éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté de Dieu, et l'image de sa bonté. N'étant qu'une, elle peut tout. Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse, Sagesse 7, 22. La sagesse inspire la vie à ses enfants, elle protège ceux qui la cherchent, elle marche devant eux dans la voie de la justice, celui qui l'aime, aime la vie, et ceux qui veillent auprès d'elle, jouiront de ses douceurs. Celui qui la possède, aura pour héritage la vie, et Dieu versera sa bénédiction partout où elle entrera. Ceux qui la servent, seront obéissants au sein des saints, à Dieu, et ceux qui l'aiment, seront aimés de Dieu. Celui qui aime la sagesse demeure en assurance, Ecclésiastique 4, 12. Écoutons la sagesse qui nous trace son propre éloge en ces termes, Ibidem. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, première née d'entre toutes les créatures, c'est moi qui ai fait naître dans le ciel une lumière qui ne s'éteindra jamais. Semblable à un brouillard, ou à un nuage, j'ai couvert toute la terre, j'ai habité dans les hauteurs des cieux, et mon trône est au-dessus des nues. J'ai fait tout le tour du ciel, et j'ai pénétré la profondeur des abîmes, j'ai marché sur les flots de la mer, j'ai parcouru toute la terre, j'ai eu l'empire sur tous les peuples et sur toutes les nations. J'ai foulé aux pieds, par ma puissance, les cœurs de tous les hommes, grands et petits. J'ai trouvé mon repos parmi toutes ces choses. Je demeurerai dans l'héritage du Seigneur. Celui qui m'a créé, a reposé dans mon tabernacle, et il m'a dit, qu'Israël soit votre héritage, prenez racine dans mes élus. J'ai été créé dès le commencement et avant les siècles, et je ne cesserai point d'être dans la suite de tous les âges. J'ai exercé mon ministère dans la maison sainte, en présence de mon Dieu. J'ai pris racine dans le peuple privilégié, dans la portion choisie de Dieu, ma demeure est fixée dans l'assemblée de tous les saints. Je me suis élevé comme le cèdre du Liban, et le cyprès de la montagne de Sion, comme le palmier de Kadès et les plants de rosiers de Jéricho, J'ai grandi semblable à un bel olivier au milieu des champs, et aux platanes qui croient sur le bord des eaux. J'ai répandu une senteur de parfum comme la cannelle et comme le baume le plus précieux, et une odeur suave comme celle de la myrrhe la plus excellente. J'ai poussé des fleurs d'une agréable odeur comme la vigne, et mes fleurs sont des fruits de gloire et de sainteté. Je suis la mère du pur amour, de la crainte, de la science, et de l'espérance. C'est en moi que réside toute la grâce de la voie et de la vérité, c'est en moi que se trouve toute l'espérance de la vie et de la vertu. Venez à moi, vous tous qui me désirez avec ardeur, et remplissez-vous des fruits que je porte. Mon esprit est plus doux que le miel. Celui qui mange de moi, de mes fruits, sentira une faim nouvelle. Celui qui boit à ma source aura encore soif. Celui qui m'écoute ne sera pas confondu. Celui qui travaille en moi, en mon nom, ne péchera point. Je suis la sagesse qui est fait couler de moi des fleuves. J'ai dit, j'arroserai les plantes de mon jardin, et je rassasirai les fruits de mon pré. Considérez que je n'ai point travaillé pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent la vérité. Je ne sais ce que l'on pourrait citer de plus approprié au sujet, je m'abstiens de commenter les passages que je viens de rapporter, chacun peut y suppléer aisément. Il suffit d'entendre de Marie ce qui est dit de la sagesse. Je sais fort bien que toutes les expressions ne peuvent lui être rigoureusement appliquées, mais il en est un grand nombre qui semble lui convenir mieux qu'à personne. Quoi de plus propre que ces paroles à nous faire concevoir de cette admirable Vierge la plus haute idée? Je crois que quiconque les méditera avec attention, n'apprendra pas seulement à la connaître, mais se sentira en outre porté à l'aimer et à la servir. Puisse-t-il en être ainsi, et pour vous exhorter de plus en plus à l'amour et à la recherche de Marie, j'ajouterai, en me servant des paroles même de la sagesse sacrée, Proverbe 4, 8, saisissez Marie, tenez-la et elle vous élèvera, elle vous glorifiera, lorsque vous l'aurez embrassée. Elle mettra sur votre tête un accroissement de grâce, et elle vous couvrira d'une éclatante couronne. Tournez-vous, à l'imitation du sage, vers votre Dieu et priez-le de vous accorder cette faveur, dites avec lui, Dieu de mes pères, Dieu de miséricorde, donnez-moi cette sagesse qui est assise auprès de votre trône, parce que je suis votre serviteur. Et le fils de votre servante, je suis un homme faible, de peu d'intelligence, et quand même quelqu'un serait d'une science consommée parmi les hommes, si votre sagesse n'est pas avec lui, il sera considéré comme rien. Envoyez-la moi du ciel, afin qu'elle demeure avec moi, et que je sache ce qui est agréable à vos yeux, car elle sait tout. Elle me conduira dans toutes mes œuvres avec circonspection, et me protégera par sa puissance. Amen. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.